Vous écoutez un Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous poursuivons cette émission spéciale légumineuse. Donc maintenant, concerne un peu mieux ce que sont les légumineuses. Donc comment les légumineuses sont entrées dans l'alimentation, Karine? Ça ne date pas d'hier que les légumineuses, qu'on mange des légumineuses. Non, ça fait très longtemps, même si on les remet au goût du jour en 2016. Donc l'origine de l'agriculture remonte à plus de 10 000 ans. L'alimentation des populations néolithiques reposait principalement sur la culture des céréales et des légumineuses. Donc, peut-être que dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé de ces graines pour pouvoir faire ces affirmations-là. Oui. Et plus récemment, mais quand même, il y a assez longtemps, dans l'Antiquité, donc là, je vais me tourner vers Alain. Donc, dans l'Antiquité, autour de la Méditerranée, on mangeait donc des légumineuses et il y avait toutes sortes de croyances associées à la consommation des légumineuses. Racontez-nous ça. Oui, vous venez de faire allusion au début de l'agriculture, il y a à peu près une dizaine de milliers d'années. Au début, évidemment, on n'a pas toutes les connaissances scientifiques détaillées, précises, et souvent, par apprentissage, on parfait les techniques, mais on a toutes sortes de croyances par rapport aux végétaux, et on traite les végétaux, des fois, avec toutes sortes de propos un peu bizarres. Il y a un groupe dans l'Antiquité qui s'appelait les Pythagoriciens. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ils ont un rapport avec Pythagore? Oui, c'est les disciples de notre ami Pythagore qui n'aime pas la géométrie un peu, le carré de l'hypoténuse, toutes ces belles formules. Voilà. Alors, qui ne s'amuse pas quotidiennement avec la géométrie et se souvenir de notre ami Pythagore? Pythagore était aussi un philosophe qui s'est installé dans le sud de l'Italie avec un groupe, c'était un peu les hippies du temps, et eux avaient une philosophie spéciale, on ne mange pas de viande et on ne passe pas à travers un champ de fèves. La fève, au point de vue botanique, c'est une vès, Vicia faba. Faba a donné le nom à la famille des fabacées, c'est le nom moderne de la famille des légumineuses. Mm-hmm. Et ce Pythagore et ses acolytes sont très respectueux, ils ne passent même pas à travers un champ. Pourquoi? Et là, il y a plusieurs hypothèses. Ce n'est pas sûr, mais ce sont des hypothèses très intéressantes. Ils ont observé, ces pythagoriciens, que la tige de cette légumineuse, la vès, le Vicia faba, n'a pas de nœud important, comme beaucoup d'autres plantes. Et pour eux, c'est un conduit direct entre le sol et l'air. Et le sol, dans l'Antiquité, c'est l'enfer. Mm-hmm. C'est le domaine des morts. Alors, est-ce que c'est pour un respect religieux de ce genre? Il y a d'autres explications. Il y a des explications comme par exemple, ils auraient peut-être déjà observé que les nodosités sur les racines particulières, si on les coupe, si on les broie, c'est rouge, parce qu'il y a une legue hémoglobine, une protéine similaire à l'hémoglobine du sang. Mm-hmm. Et là, voir du rouge dans une racine, est-ce que c'est ça qui les a atterrés? On ne le sait pas. Une autre hypothèse, et il y en a plusieurs, ils souffraient peut-être d'un problème génétique qu'on appelle le favisme, qui est dû à un problème, on n'ira pas dans les détails techniques, protéiques, là, c'est une enzyme qui est déficiente et qui causerait peut-être des problèmes. Alors, il y a toutes sortes d'explications, mais néanmoins, ce dont on est sûr, c'est que on considérait les légumineuses d'une façon très spéciale au point de vue alimentaire et même d'un point de vue philosophique pour certaines personnes. On ne passe pas à travers des champs de légumineuses. Mm-hmm. Bon, mais il y avait d'autres croyances aussi chez les Grecs aussi, une certaine réputation sulfureuse des fèves. Ah oui, oui. Donc ça, c'est quoi? Ah oui, il y a toutes sortes de... Écoutez, à ce moment-là, on était de très bons observateurs. On n'avait pas de microscope. Mm-hmm. On n'avait pas de machine nécessairement pour nous faire voir toutes sortes de choses. On examinait avec nos yeux de façon attentive et les gens ont examiné les graines à l'intérieur des gousses. Et les graines sont attachées aux parois des gousses d'une certaine façon. Et lorsqu'on arrache les graines, ça laisse comme une espèce de d'empreinte et ça fait une forme. Et pour certains, ça ressemble à des organes sexuels. Ah bon? Ça dépend de l'interprétation, évidemment. Ça dépend peut-être aussi de ce qu'on a mangé. Ils sont observateurs, quand même, ouais. Alors, et on a appelé un peu cette façon de voir la théorie des signatures, c'est-à-dire que dans la forme des plantes, dans la couleur mm-hmm. des plantes, on a des indices de leurs usages ou de leurs non-usages. Ah. Alors, donc là, fallait pas s'en servir. Les légumineuses étaient, non, et les légumineuses étaient au cœur des préoccupations parce qu'en plus des céréales, comme on l'a souligné à juste titre, et les céréales et légumineuses constituaient la base alimentaire. Donc, c'était pas un petit détail, c'était très important. Mm-hmm. Et est-ce que, je me replace toujours encore dans l'Antiquité, la fève qu'on met dans la galette des rois, ça date peut-être pas de l'Antiquité, mais ça vient d'où Ça date de l'Antiquité un peu. Parce que la galette des rois ne date peut-être pas. Parce que les fèves, de la même façon qu'on a parlé de cara, qui vient de caroube, parce qu'on utilisait ces graines qui séchaient bien et qui étaient d'une rondeur ou d'une forme très précise et aussi relativement constante d'une graine à l'autre. On l'utilisait pour compter des choses et on l'utilisait pour peser des choses et on l'utilisait à cause de la couleur pour voter. On prenait une fève blanche, ça veut dire oui. Une fève noire, ça veut dire je suis contre, c'est non. Alors on votait à l'aide de fèves. Ils avaient des référendums de à l'époque. Couleur. Oui. Alors, les légumineuses, ça se mange pas seulement, ça s'utilise pour voter en politique, imaginez. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est pas la seule. Il n'y a pas juste la légumineuse qu'on a utilisée pour compter ou pour voter dans les plantes. Et effectivement, on utilisait beaucoup d'autres espèces, beaucoup d'autres graines de diverses autres espèces. On avait une connaissance dans l'Antiquité qui était quand même assez impressionnante mm-hmm. par rapport à la par rapport aux techniques inexistantes mm-hmm. À l'époque. On avait un sens de l'observation et aussi un petit peu d'imagination. Parce qu'il me semble que les Aztèques utilisaient aussi la graine de cacao pour c'était une monnaie ou c'était Oui. Et les Aztèques, il y avait des impôts. Hein. J'en glisserai un petit mot à un moment donné de l'impôt. Au Québec, ici, au Bas-Canada, le poids, une légumineuse a servi d'impôt pour l'Église. Ah oui. Alors, l'Église, évidemment, fonctionnait par la dîme. Il y avait une dîme sur le blé, l'avoine et les pois. Mm-hmm. Alors, on cultivait les pois pour la dîme. Donc, tout ça nous en... Je profite justement de ce petit lien pour venir en Amérique du Nord, parce que là aussi, les légumineuses ont fait partie de l'alimentation des occupants du territoire. Oui, en Amérique du Sud, puis en Amérique centrale, l'alimentation des civilisations précolombiennes Maya, Inca et Aztèque, elle était à base de maïs et de haricots secs. Puis, on sait qu'en Amérique du Nord, le maïs, les courges et les haricots secs, c'était la base de l'alimentation des Amérindiens. Puis, elles avaient un aspect pratique parce que lorsqu'elles étaient bien séchées et entreposées, les légumineuses devenaient une sécurité dans les périodes de pénurie alimentaire. Puis, elles possédaient aussi l'avantage de se cultiver assez facilement pour les moyens de l'époque. Puis ces légumineuses-là, quand les Européens sont arrivés en Europe, ils se sont dit « ce serait bien, on va les ramener chez nous, on va les emmener en Europe ». Et il y a une légumineuse, donc une légumineuse en termes botaniques, qui a été particulièrement appréciée des familles royales, il me semble. Oui. Oui. Parce que parmi les légumineuses, quand on parlait tout à l'heure de lentilles, la lentille, c'est d'origine eurasiatique, c'est-à-dire ça concerne l'Europe et l'Asie. Mais le genre botanique qui concerne l'Amérique, ici, notre continent, c'est le Phaseolus, les haricots, les différentes espèces d'haricots. Et tout de suite après la découverte de l'Amérique en 1492 par notre ami Colomb, à peine quelques années après, au tout début des années 1500, Anne de Bretagne, qui a été l'épouse de quelques rois de France, là, notre amie Anne de Bretagne était très dévote. Elle aimait bien prier et une reine ne prie pas comme les autres. Évidemment, ça prend un livre de prière particulier. Et elle avait un livre de prière extraordinaire qui était décoré. ornée par les plantes les plus importantes ou les plus en vue à l'époque. Mm-hmm. Et comme par hasard, au tout début de 1500, qu'est-ce qu'on voit apparaître en bordure du livre de prière de la reine qui a plusieurs rois? Le haricot. Le haricot. Phaseolus ouais. vulgaris de son petit nom. Donc, elle appréciait pas. Le haricot commun. Donc, il n'était pas si vulgaire que ça, finalement, ce haricot-là. Déjà, la reine s'intéresse au haricot. Ouais. Alors, les sujets s'intéressent aussi au haricot.